بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد L'auteur Abdel Ghani al-Maqdis rahimahullah qui nous dit An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه Selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait en disant Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa azab an-nar. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le châtiment de la tombe et le châtiment du feu, et aussi contre la fitna de la vie et de la mort, l'épreuve de la vie et de la mort, et aussi contre l'épreuve du Messie ad-Dajjal. Et dans la narration de l'imam Muslim rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque l'un d'entre vous fait le tashahhud, alors qu'il demande à se réfugier auprès d'Allah contre quatre choses. Il dit, ô Allah, certes je me réfugie auprès de toi contre le châtiment du feu, contre le châtiment de l'enfer. Puis il a cité le reste du hadith. هذا الحديث فيه الاستعاذة التي يقوم بها المصلي في آخر صلاته بعد التشهد. Il y a dans ce hadith الاستعاذة, la demande de protection que le croyant va faire à la fin de sa prière après le tashahhud. وهذه الاستعاذة مهمة للغاية. Et certes, cette invocation, l'isti'adha, elle est d'une extrême importance. يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَحْضِرَ مَعَانِيهَا حِينَ يَتَلَفَّظُ بِهَا. Il est convenable que celui qui prie se rappelle des significations de cette invocation lorsqu'il la prononce. فَإِنَّهُ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. Car certes, il implore la protection d'Allah, se réfugie auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe et le châtiment du feu. وَالْمَرْءُ يُعَذَّبُ بِسَبَبِ الْفِتْنَةِ أَوُفِّقَ فِيهَا أَمْ لَا. Et certes, l'individu est châtié en fonction de l'épreuve, la fitna. Est-ce que la réussite lui a été accordée durant celle-ci ou pas? لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. Et c'est pour cela que après cela, le prophète صلى الله عليه وسلم a cité la demande de protection, la demande de refuge auprès d'Allah contre la fitna, contre l'épreuve de la mort et de la vie. والمراد بفتنة المحيا هي الفتنة التي يتعرض بها المرء من الشهوات والشبهات. Et ce qui est voulu par l'épreuve de la vie, ce sont les épreuves en fait que l'homme va avoir durant sa vie parmi les ambiguïtés et les tentations. فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُحَصِّنَ نَفْسَهُ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْفِتَنِ. Il est donc obligatoire à l'individu de préserver, de protéger sa personne contre toutes ces fitanes, les tentations et les ambiguïtés. فَقَدْ يُفْتَنُ الْمَرْءُ مِنْ قِبَلِ حُبِّهِ لِشَيْخِهِ فَيُقَدِّمُهُ عَلَى كَلَمِ اللَّهِ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيهلك كما هلك أهل الأهواء والبدع قبله. Il se peut donc que l'individu soit éprouvé par son amour pour son enseignant, qu'il va faire prévaloir au-dessus de la parole d'Allah ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis tomber dans la perdition comme les gens de l'innovation et de la passion sont tombés dans la perdition avant lui. وَقَدْ يُفْتَنُ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ فَيَقُومُ بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الزِّنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. Et il se peut que l'homme soit éprouvé par les femmes et qu'il tombe dans ce que Allah Ta'ala a interdit comme la fornication ou autre. وَقَدْ يُفْتَنُ بِحُبِّهِ لِلْمَالِ وَمَلَذَّاتِ الدُّنْيَا فَيَبْقَى فِي بِلَدِ الْكُفْرِ يَنْسَى حُقُوقَ رَبِّهِ عَلَيْهِ. Et il se peut que cet homme soit éprouvé par son amour de l'argent et des délices de ce bas monde. Il va donc rester dans les pays de mécréance et oublier les droits de son Seigneur sur lui. فَالْمَرْءُ قَدْ يُفْتَنُ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ. Et donc l'individu peut être éprouvé par beaucoup de choses. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, et donc nous allons certes vous éprouver par le mal et le bien. Nous allons certes vous éprouver par le mal et le bien, et c'est vers nous que vous retournerez. Fal insanu qad yubtala bil khayri wa la yash'uru bidhalik. Et donc il se peut que l'être humain soit éprouvé par le bien sans pour autant le ressentir. Il ne sent pas qu'il est éprouvé par le bien. Kathirun minan nas yadhunnuna anna al-fitnata bi-sharri fa hasb. Beaucoup de personnes, ils pensent que l'épreuve ne se fait que par les mauvaises choses. Ka an yuftana ar-rajulu bil-faqri aw mawti qaribin lahu. Comme le fait qu'une personne soit éprouvée par la pauvreté ou alors la mort d'un proche, quelque chose qui est difficile. Fayakulun nas ibtuliya fulan. Alors les gens diront, un tel a été éprouvé. Parce que pour eux, l'épreuve, la fitna, ne se fait que par des choses difficiles. Wayan sauna al fitna tabil khayr. Et ils oublient la fitna par les bonnes choses. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. En ce qui concerne l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en lui accordant des bienfaits, il dit certes, mon Seigneur m'a honoré. إذن المرء يبتل بالغنى كذلك ليظهر صدقه في إيمانه ماذا سيفعل بماله. Et donc l'être humain est aussi éprouvé par la richesse afin qu'apparaisse clairement sa véracité dans sa foi. Que va-t-il faire de ses biens, de ce que Allah lui a accordé? وهل سيتعلق بهذا المال ويبتعد عن طلب العلم أو العبادة أو الدعوة إلى الله من أجل المال. Et donc, est-ce que l'individu va s'accrocher à cet argent, à ses biens, et s'éloigner de l'étude, de la science, s'éloigner de l'adoration, s'éloigner de la da'wa, le fait d'appeler les gens à l'islam à cause de l'argent? أو يسكت فلا يقول للناس كلمة الحق من أجل المال. Ou alors est-ce que celui-ci va se taire et ne pas dire aux gens la parole de vérité à cause de l'argent? Ou alors est-ce qu'il va délaisser ses obligations, sa famille et autres à cause de l'argent? Alors l'individu peut être éprouvé par le bien. وَقَدْ يُفْتَنُ الْمَرْءُ فِي أَوْلَادِهِ. Il se peut que l'individu soit éprouvé par ses enfants. Allah Ta'ala qui nous dit: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Certes, vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. Maza sataf'al fi awladik? Que vas-tu faire concernant tes enfants? Hal ahsanta tarbiyatahum? Est-ce que tu les as bien éduqués? Wa hal jarraka hubbuka li awladik ila al-wuqu'i fi ma harramahu Allah aw ila tarki al-ibadat? Est-ce que ton amour pour tes enfants t'a poussé à tomber dans ce que Allah t'a interdit? Ou est-ce que ton amour pour tes enfants t'a poussé à délaisser l'adoration? Et il se peut que l'individu soit éprouvé par son épouse, ou inversement, que elle soit éprouvée par lui. Et donc cette personne va délaisser l'adoration et l'apprentissage de la science et le fait d'enseigner aux gens à cause de son amour pour une telle fel fitna kotuqul mar'a fil kufri wa shirki wal bid'a wal ma'asi. Et donc la fitna, l'épreuve, elle peut faire tomber l'individu dans la mécréance, le polythéisme, l'innovation, les péchés. Fahada du'a'un 'azim. Et donc cette invocation, elle est grandiose, très importante. Istahdiru ma'nahu fi salatikum. Rappelez-vous bien de la signification, des sens de cette invocation lorsque vous priez. La tatasahalu fi hadha, li'anna al-fitnata la budda minha. Ne soyez pas négligents en cela. Ne soyez pas négligents en cela. Car la fitna, l'épreuve, est impérative. Il est impératif que nous soyons tous éprouvés. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum » Vous serez certes éprouvés dans vos biens et vos personnes. Vous serez certes éprouvés dans vos biens et vos personnes. Wal fitna tumayyizul jaddin fi imanihim wa manhajihim min ghayrihim. Et aussi la fitna, l'épreuve, elle permet de distinguer ceux qui sont sérieux, ceux qui sont sérieux dans leur foi et dans leur manhaj des autres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah ne vous laisse pas dans l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire tous mélangés, les croyants, les hypocrites, les pécheurs et autres. Allah ne vous laisse pas dans la situation dans laquelle vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le bon du mauvais, jusqu'à ce qu'il mette en évidence le bon du mauvais. وهذا التمييز يكون بالفتنة كما قال العلامة السعدي رحمه الله. Et cette distinction, elle se fait par l'épreuve, la fitna, comme l'a dit le très savant السعدي رحمه الله dans son tafsir. والمرء قد يفتن عند موته يأتيه الشيطان يصرفه عن الحق في آخر لحظة من حياته. Et aussi La fitna, l'épreuve, elle peut se passer au moment de la mort de l'individu. Le diable, le shaitan, vient lui pour l'éprouver et l'éloigner de la vérité durant les derniers instants de sa vie. Wa yuftanu al-mar'u fi qabrihi yus'alu an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi fayalaha min fitnatin 'azima. Et donc l'individu est aussi éprouvé dans sa tombe. Il est interrogé concernant son Seigneur, sa religion et son prophète. Qu'est-ce que cette fitna est dangereuse? Qu'est-ce que cette épreuve est lourde? Wal muwaffaqu fi dhalika kullihi huwa man waffaqahu Allah. Mais dans tout cela, toutes ces épreuves que j'ai citées, celui à qui la réussite est accordée, c'est celui à qui Allah a accordé la réussite. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde la réussite. Allah azza wa jal, il dit dans son livre يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah raffermit les croyants par la parole de fermeté dans la vie d'ici-bas, dans la vie de dunya et dans l'au-delà. Et Allah égare les injustes et Allah fait certes ce qu'il veut. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها ويثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك هداهم الله للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي انتهى. Le très savant As-Sa'di rahimahullah, il dit dans l'exégèse de ce verset, Allah le Très-Haut informe ici, dans cette sourate, qu'il raffermit, lorsque l'épreuve elle vient, il raffermit ses serviteurs, les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont accompli ce qui leur est imposé, telle que la foi du cœur, la foi parfaite du cœur, qui va impliquer les actes des membres et qui va augmenter ces actes. Et aussi, Allah Ta'ala va les raffermir durant la vie d'ici-bas, lorsque viennent les ambiguïtés, en les guidant vers la certitude. Et Allah Azza wa Jal va les guider aussi dans la vie d'ici-bas, lorsque viennent donc les tentations, en leur accordant une volonté sincère et forte de mettre en avant ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Ils vont mettre en avant ce que Allah aime. Ils vont mettre donc ce que Allah aime au-dessus des désirs de leur propre personne, des désirs de leurs âmes. Wa fil akhirah, et dans l'au-delà, Allah tabaraka wa ta'ala va raffermir les croyants au moment de la mort. Donc, au moment de la mort, en les raffermissant sur la religion de vérité, sur la religion musulmane, et en leur accordant une bonne fin, mais aussi dans la tombe, lors des questions des deux anges. Et Allah tabaraka wa ta'ala va leur accorder la capacité de donner la bonne réponse lorsqu'il sera dit aux morts, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Allah Ta'ala les guidera en leur permettant de donner la bonne réponse. Et alors le croyant dira, mon Seigneur est Allah, l'islam est ma religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Fin de citation. Ayyuhan nas, من أراد أن يوفقه الله عند الفتن يجتنب الظلم فيقوم بما أوجبه الله عليه لا يظلم الناس ولا يظلم نفسه فيوفقه الله تعالى. Ô homme, celui d'entre vous qui veut que Allah Ta'ala lui accorde la réussite durant les troubles, durant les fitanes, durant les épreuves, alors il s'écarte de toute forme d'injustice. Il accomplit ce que Allah Ta'ala lui a rendu obligatoire. Il ne fait injustice à personne et ne se fait pas injustice à lui-même. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Comme Allah l'a dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah raffermit les croyants par la parole de fermeté dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah égare les injustes. Et Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, on continuera l'explication de ce hadith avec le passage sur le Dajjal. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est très important les frères, je sais que j'ai fait long sur le sujet, mais il est vraiment important qu'on se concentre sur les significations de cette invocation. C'est vraiment très très important. Un de nos salafs, il imposait à son fils, s'il n'avait pas fait cette invocation à la fin de la salat, de recommencer la salat. De recommencer sa salat s'il n'avait pas fait ses quatre invocations. Les frères, mes sœurs, ces invocations sont très importantes. Nous ne devons pas les délaisser. Vous pouvez constater que les troubles, les fitnas, les épreuves augmentent d'année en année. Il y a de plus en plus de fitanes. Il y a de plus en plus de tentations. Il y a de plus en plus d'ambiguïté. Il est important de nous protéger. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé cette prière 5 fois par jour au minimum. Nous devons donc saisir cette occasion, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer en nous rappelant l'essence de cette invocation. Voilà le rappel que je voulais me faire à moi ainsi qu'à vous ce soir durant ce cours. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.